Écoutez. Bonjour, monsieur. Je voudrais des renseignements. On m'a dit qu'il y avait depuis peu de nouvelles réductions SNCF. Est-ce exact? Oui, madame. Si vous voyagez avec votre mari, la SNCF accorde une réduction de 50% sur l'un des billets. Mais il ne faut pas que vous partiez aux périodes de forte affluence. Que faut-il faire pour en bénéficier? Il suffit de demander à votre gare la carte couple. Et si l'on voyage en famille, y a-t-il quelque chose de prévu? Bien sûr. Quand on part en famille, à condition d'être au moins trois, dès la deuxième personne, on ne paye plus que 50%. Quel âge ont vos enfants? 7 ans et 9 ans. Alors, cette réduction s'ajoute aux demi-tarifs auxquels ils ont déjà droit. Il faut aussi prendre une carte spéciale? Oui, ce sont les mêmes conditions. Il faudra que vous preniez une carte famille et que vous évitiez les périodes de pointe. Y a-t-il encore d'autres possibilités? La carte Vermeil 50 pour les personnes de plus de 60 ans et les tarifs séjour. Si vous partez pour plus de 5 jours à plus de 500 km, vous avez droit à 50% de réduction sur votre billet de retour. Merci, monsieur. Tenez, voici une documentation sur les différentes possibilités.